Et pendant cet intermède, nous allons accueillir deux invités, deux nouvelles invitées EES. Donc, prenez place. Viens t'asseoir à côté de moi. Alors, il y a un casque. Si vous avez un autre casque, c'est parfait sur vous ou pas? Où tu veux, sinon tu peux te mettre... Tu peux te mettre à la place de Victor. Bah, c'est mieux si tu envoies des... C'est mieux si vous voulez vous entendre. Ouais. Alors là, c'est le moment un peu chiant où les gens s'installent. Du coup, j'ai mimé une danse... Ah non, mais il y a l'intermède musical. Oui. Mais je peux danser comme dessus. Non, encore, encore. Encore, encore. Moi, je danse pendant. Ah, ça me fait une gueule. Mais c'est pas grave. Mais ça, tu t'en fiches, ça. C'est un détail. Il nous manque un casque, ouais. C'est normal, c'est Victor qui devait l'apporter. Et j'ai oublié le mien par la même occasion. Bah, très bien, parfait. Voilà. Moi, j'en ai rien. Parle bien près du micro. Parle dans le micro, voilà. Ouais, attends. Très bien. Parce que du coup, effectivement, je m'entends pas. Sinon, tu te rapproches, tout ça, tu te mets bien, tu vois, tu te mets dans c'est bon, une là position merci plutôt confortable. C'est bon, très bien. Tu veux un petit coussin juste derrière toi. Est-ce que tu veux mon casque? Parce que moi, je vais aller chercher à boire parce que j'ai super la gorge sèche. Je suis preneuse, merci. Voilà, et les personnes. Vous voulez un truc à boire, les gars, ou pas? Non, c'est non, c'est bon. Bon, ça, c'est moi, bon. Je veux bien, Tu veux quoi? Je vais te dire dans l'oreille. Ah, c'est un secret. D'accord. Ok, ben. À tout à l'heure, parce que moi je reviens pour le Nagui Quiz, ouais. Entre autres. À grand moment. Allez, salut. Alors. Alors, moment nul. Alors. Alors. Alors, ouais. C'est parti. Ouais. Oriente bien. Alors, c'est le moment un peu nul. Ce que je veux dire, voilà, donc. Tout le monde dans mon casque. Comment tu... Normalement, t'entends des gens. Ouais. Dans est-ce que tu nous entends t'entends les gens ou pas? Est-ce que tu si j'ai un faux contact dans mon cas. Teste donc, teste donc. Tu t'entends, t'entends pas, non, t'entends pas, t'entends pas, t'entends pas, t'entends toujours pas. Et là non. Est-ce qu'il est branché? Oui, il est branché. Bon, alors le casque est peut-être niqué aujourd'hui. Voilà, okay, c'est, bon, je lance. Non, tu fais un peu comme si t'en avais. Sur le... Bah, je l'enlève alors. De quoi? Ouais. Non. Voilà. Ah voilà. Si, ah si, ça y est. Problème technique réglé. Merci, hein, Gesson. Merci. Voilà, donc après cet intermède d'une heure et demie. Oui, excusez-moi. Et regarde, il est 20h58. 20h58, on a 2 minutes d'avance. Ouais. Voilà, donc c'était permis. C'était mon vendredi, tout est permis. Voilà. Eh ben, j'ai envie de dire. Super. Big up à. À l'autre. À l'autre. 36-37, le Téléthon, n'oubliez pas. Donc. Donc voilà, donc maintenant, donc si vous avez regardé le programme, c'est le Lina Time, le moment de Lina. Lina, tu peux te présenter. Bonjour. Donc bonsoir à tous, moi c'est Lina, je suis une copine à tous ces savoureux. Joyeux de rire. De quoi? Tous ces joyeux de rire, pardon. Oui, à tous ces... Oui. Voilà. C'est s'il sort des mots totalement random. C'est pas grave. Et du coup, vu que ce soir on va s'amuser, on va parler de trucs rigolos, bah moi je vais parler de géopolitique. Heureusement qu'il y a juste une demi-heure. Truc rigolo. Heureusement qu'il y a une demi-heure. Sujet un peu presque tabou en ce moment. Ouais, il y a une demi-heure on disait on ne parle pas politique. Ah bah oui. Allez, c'est de la géopolitique, c'est de l'écologie, de l'environnemental et je ne suis pas écolo. Je ne suis, oui, je ne viens pas. Je suis pas écolo. Pas mal. C'est quoi le mec qui vient? Non. Oui, et je suis antisémite. Voilà. Alors. Et je. Moi, jeter des cartons dans la poubelle noire, ça me fait pas peur. Non. Et toi, Mathias? Je pense que ce que tu voulais dire, c'est pas que tu n'es pas écolo, mais que tu n'es pas engagé. Voilà, je ne suis pas là fond, dans un but. T'as pas ta carte. Ta carte écolo vert, et ton pantalon vert. En chanvre pour c'est faire ça, un petit cliché. Ouais. Et donc, je ne suis pas là pour vous imposer mes idées ou pour vous donner envie de vous engager. Tu vas pas mettre ça. Non, tu non. Ne... non, non, c'est... Pardon, alors j'explique pourquoi il y a des bruits de sabre laser. C'est que... C'est pas génial. Ça. C'est que... Non, c'est pas la musique de Star Wars. Je sais ce que c'est. Calmez-vous. C'est juste que Mathias est un enfoiré et du coup, sur son ordinateur, il a installé un truc qui permet d'avoir des sons de sabre laser quand on augmente les vidéos... les vidéos sur le son des vidéos sur YouTube et j'ai mis la musique de Home pour parler d'écologie vu que c'est Home. Voilà. De Yann Arthus Bertrand. Est-ce qu'on peut parler de Yann Arthus Bertrand et dire non, que c'est on un... parlera pas de Yann Arthus Bertrand, j'ai dit que je faisais rien de très engagé. Donc moi je suis là pour vous parler d'un sujet donc géopolitique, environnemental et qui nous concerne énormément en ce moment mais dont on ignore toute forme d'existence parce qu'effectivement quand je parle aux gens dans la rue avec mes potes, tout ça, je me rends compte qu'il y a très peu de gens qui sont au courant, qui savent qu'en ce moment, eh ben, se déroule la COP21 à Paris. Donc, je ne sais pas si vous, vous étiez au courant. Ouais. En tout cas, je ne sais pas si tout le monde est au courant. Mais dis donc, c'est quoi donc la COP21? Deux secondes. Deux secondes. On veut savoir. En fait, je vais vous faire une petite présentation, mais uniquement dans le but d'ouvrir un débat par la suite. Merci. Et pour que je ne veux pas imposer une manière de penser, donc ce sera entièrement neutre et ce sera comment dire, une manière de vous présenter la chose pour que, vous, pour que tout le monde puisse être au courant et les gens qui nous écoutent et pour que chacun puisse se faire un avis sur une question quand même importante parce qu'il faut dire que vous allez voir à quel point c'est un événement colossal. Donc, en ce moment, à Paris, du 30 novembre au 11 décembre, c'est la conférence internationale annuelle sur le climat. Et elle est appelée COP21. Alors, c'est quoi le sigle? Parce que j'ai conférence. Conférence, on a. Conférence, on a. Après, c'était quoi? Annuelle, internationale. Non, du coup, là, ça fait K, déjà. les mecs, ils se sont trompés dans le bousin. Il y a un problème. Donc, conférence annuelle internationale sur le climat. Et on l'appelle COP21. Donc, COP, c'est... un flic. Coopérative. Moi, je suis sniper. Hein, je suis Laurent Baffi, je l'ai déjà dit. C'est la conférence des partis. Alors, ils ont pris CO de conférence et juste P de parti. Alors, ça aurait pu être COPA ou COPART. Oui, mais COPA, ça faisait trop copain. Et COPART, ça fait trop... COPART. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est une conférence qu'ils définissent comme supranationale. Donc, sur l'environnement et plus précisément sur les changements climatiques qui sont en cours. Donc, c'est une sorte de version environnementale de l'ONU, puisque c'est une conférence qui réunit de nombreux pays, notamment les pays de l'Union européenne, mais ça je vais vous le dire après. Et si jamais vous voulez y aller, la COP22 aura lieu au Maroc. Donc voilà, petite info, vos vacances au Maroc. Ah, info touriste. Ce sera la COP22. Mais c'est drôle parce qu'on entend beaucoup parler de la COP21 en France, parce qu'elle est en France. Ouais, parce qu'elle est à Paris. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de la COP20, la COP19, la COP18? Mais laisse-moi faire mon sujet, tu veux. C'est prévu. Mais non, mais c'est prévu. C'est un moment de débat. Je pense que. Mademoiselle Lina, je suis désolé. Mathias, tout à fait le droit de parler. Oui. Non, je veux pas qu'il parle. Très bien. Personne veut qu'il parle. Il est insupportable quand il parle. Donc ça commence. On titille. Allez, les participants du coup de la COP21 sont appelés les partis, donc conférence des partis. Et en fait, c'est les États signataires de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui a été adoptée en 1992, à la fin du sommet de la Terre à Rio, au Brésil. Oui, Kawan, dis-moi. Oui, je voulais savoir, est-ce que la Chine a signé cette... Alors, justement, ce qui est impressionnant, c'est que la Chine a signé, la Russie également. Donc, il y a vraiment des gros, gros pays qui sont en jeu. Il y a 195 pays, plus les pays de l'Union européenne qui non, sont... Non, pas plus. Parce que je crois qu'il y a 196 pays dans le monde. Quoi? Dans le chat. Non, j'ai dit plus. dont l'Union européenne, excusez-moi, dont l'Union européenne qui sont... Donc, en fait, il en manque un. Et je pense que c'est la Corée du Nord. Je dis ça, après je dis rien, mais voilà. Bon, en gros, c'est un truc des gros hypocrites. Ouais. Voilà. Si même la Chine signe, le changement climatique, je suis vraiment touché par ça. Oh, attends, je m'adresse à la Chine. Eh, la Chine, arrête tes conneries. C'est bon. Alors, je vais faire une petite... un aparté, du coup? Non, une aparté. Déjà? Oui. Y a un truc très bien fait sur la COP21 qui dure 4 minutes. Par Martin Windberg sur Le Monde avec des Monsieur Patates. Voilà. C'est vrai qu'il est très bien fait. Il est très bien fait. C'est lui qui dessine les Monsieur Patates. Ouais. Ah, j'aime beaucoup. Et c'est très bien fait. Lisez le bouquin qu'il a sorti, le premier bouquin. Ouais. Ouais, c'est de la culture. Mais c'est très bien fait. Allez voir pour voilà. Et aussi, la démarche qui a été intéressante par rapport à la COP21, j'y pense, c'est... tout le monde l'a vu, ça a été partagé en masse, mais c'est ce qu'a fait Nicolas Hulot avec le Golden Moustache, l'équipe Golden Moustache. C'est très intelligent comme manière de faire, parce qu'on se rend compte que cette personne-là, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, hein, Nicolas Hulot, les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec lui ou autre. Mais il faut reconnaître que la démarche qu'il a eue prouve qu'il a compris le média auquel il s'adressait. C'est vraiment pas... Enfin, on a tous vu comme ça pour déconner des vœux de président ou des vœux de politique ou des vidéos faites par des politiques diffusées sur Internet qui montrent à quel point ils sont en zone ils ont 15 ans de retard, quoi. Ils ont 15 ans de retard, c'est, effectivement. C'est surfait. Et alors que là, la démarche de Hulot d'aller en plus voir Golden Moustache et de travailler main dans la main avec ça pour la COP 21, je pense que c'est une action honorable et qui a été honorée et qui est vachement bien faite. Et je reviens sur un film aussi qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Demain, co-réalisé par Mélanie Laurent. Mélanie Laurent, ouais. Et un réalisateur dont je ne me souviens plus, en plus c'est la honte parce que je l'ai interviewé au Festival d'Arras, qui disait... Ouah, le mec il se la pète. Oui, journaliste. Soit dit en passant, journaliste. Non, pour justement, il disait, les gens en ont marre d'être qu'on leur dise tout le temps, les gars, faites ça, faites ça, faites ça. Et du coup, son film, c'est ils vont à un endroit, ils regardent le problème, et du coup, ils vont dans un autre endroit pour trouver une solution, mais ça leur donne un autre problème, et ainsi de suite. Et ce film, c'est tout le temps ça. Et c'est proposer des solutions de pays différents pour partager justement la connaissance par rapport à cette économie, cette écologie-là. Et je pense que c'est un film très intéressant que je n'ai pas vu parce que je juge des films sans les ça, voir. C'est, Mathias, ça, c'est, Alors Mathias a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Le cinéma de Mathias où il juge des films qu'il n'a pas vus. C'est très intéressant à voir. Non, et on va arrêter de monopoliser l'antenne. Pardon. Tous les deux. Vous Lina, avez des choses intéressantes à dire et c'est Moi, sympa. Je elle est venue, elle m'accompagne. Je la soutiens. Elle me soutient. Mais donc voilà, donc cette COP 21, elle réunit des ministres, des délégations, des États partis, des entreprises, des ONG, des syndicats et plein de journalistes. Il y en a 3000 qui sont accrédités. Un bon paquet d'hypocrites. Eh, j'ai dit que je ne prenais pas parti. Donc, moi, j'ai pas dit. Non. Moi, je dis qu'il y en a qui profitent bien du buffet, quoi. Mathias aurait été là-bas. Là. Ah bah, alors là, direct. Mathias. Mais du coup, donc, le fait qu'on parle tellement de la COP 21, c'est vrai, Mathias a dit, mais pourquoi on ne parle pas de la COP 20, de la COP 19 ? C'est vrai que ça existe depuis 23 ans, donc depuis 92. Et, coup, et c'est en fait, les COP, ça existe donc, chaque année, ça a lieu chaque année. Et c'est une convention qui reconnaît l'existence, parce que c'est rare, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais il y a très peu de pays, enfin, c'est évident pour tout le monde. Mais il y a très peu de pays qui... Oui, qu'est-ce qui se passe ? Ma gueule. Je vais dire, il y en avait une l'année dernière, c'est la Coupe du Monde. Oh merde. Et tu dis, merci, ça, ça existe depuis 23 ans, pourtant on est à la Coupe 21. Est-ce qu'il y a eu la Coupe 0 et la Coupe moins 1, du coup ? J'ai dit 23 ans ? Oui. Mais c'est... Oui, tu fais 82... Non. C'est pas attends. Si, parce que moi, je suis né en... Alors attends, calcul. Oui, parce que moi je suis né en 93 par exemple, et j'ai 22 ans. Oh, ah ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai Twitter dit 23. En masse, si vous avez c'est 20, de bah oui, forcément. C'est donc ça fait 21 ans, moi je dirais. Ouais, je dirais aussi. Mais du coup, c'est vous qui m'envoyez. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Ah là là là. Et du coup, je disais que la COP, c'est vraiment une convention qui reconnaît l'existence. Donc je cite le site du gouvernement d'un changement climatique d'origine humaine et qui donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour lutter contre ce phénomène. C'est rare, parce qu'en fait, même si on le sait... Excuse-moi, mais dis donc, c'est quoi donc cette phrase ? Parce que c'est du juridique et on comprend que dalle. Donc déjà, je termine ma phrase, s'il te plaît. C'est rare, parce que on a beau le dire tous les jours, que la Terre va mal, que le climat, tout ça, c'est pas top, il y a très peu d'États, de pays, de syndicats, de conventions qui reconnaissent l'existence de cette faute humaine par rapport au climat. Et donc, tu me demandais d'expliquer cette phrase. En fait, ça veut dire que donc, ce regroupement d'États qui ont d'États signataires, ils ont reconnu qu'il y a un changement climatique, sous-entendu dangereux pour la planète, que l'origine de ce changement est humain, donc que c'est notre faute, et qui donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour lutter contre ce phénomène, ça veut dire qu'on donne la priorité aux pays industrialisés, les pays développés comme la France, les États-Unis, la Chine maintenant. Le Danemark. Le Danemark. La Tchécoslovaquie. on leur donne la en fait. La Yougoslavie, ah, ça n'existe plus. L'URSS. Il y a deux snipers. On leur donne en fait le primat de la responsabilité, c'est un peu la tête de la responsabilité. On leur dit, vous êtes les plus riches, vous êtes les plus industrialisés, donc techniquement, c'est un peu beaucoup votre faute si maintenant on a des problèmes de climat. Donc bah, c'est vous qui allez trouver des solutions pour lutter contre tout ça et éviter les 2 degrés en plus sur la planète en 2020. Donc tout ça, c'est bien sûr selon le site officiel de la COP21 qui appartient au gouvernement. Et du coup... Ou endoctrinement. Ah, complot. Et du coup, donc, de cette convention, découlent les COP annuelles qui sont censées amener des solutions pour le climat chaque année. Et maintenant, vous allez me dire, ah, mais on n'entend jamais parler jusqu'à ouais, cette on année. On n'entend jamais Merci parler. Merci, Kawen. Eh bien, la COP 21... Pardon. Ah, ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est un manque de respect. Je... C'est mon réveil du soir, désolée. Du soir. Ça veut dire que tu fasses une sieste. Je ne dirais pas sieste. Pourquoi c'est, mais non. Tu aurais dû dire que c'était un appel. Tu pourras en parler la prochaine heure, si tu veux. Non, vous êtes gentil, mais je préfère garder ça secret. Très bien. Merci. Désolée. On a tous compris pourquoi. Et du mais coup, Mathias... On n'est pas né de la dernière pluie, hein. Oui, bon, ça va. Mathias, demande-moi, toi qui poses des questions, demande-moi oui. Pourquoi la COP 21, elle est tellement importante. Pourquoi la COP21 est tellement importante, Lina ? Dis-moi parce pourquoi. Parce que cette année, il est dit qu'on va aboutir à un accord universel et contraignant. Ouais. C'est une grande première. À partir de 2020, il est question de créer en fait une véritable transition vers une économie, parce que ce n'est pas seulement écologique ou environnemental, c'est économique et politique. Et on veut vraiment virer vers un système économique et politique mondial éco-responsable. Ça fait rêver. Et du coup... T'as pris parti, là. Non, j'ai pas pris parti. Si, si. Mais j'ai dit que ça fait rêver. Ça fait rêver, ouais, ça... Mais ça fait rêver. T'as pris parti. Ça fait... Je n'ai pas pris parti. J'ai dit que ça fait rêver. Je prends pas parti. Et du coup, une COP traditionnelle, chaque année, ça réunit entre 10 000 et 20 000 participants. Cette année, on attend plus de 40 000 personnes sur le site du Bourget, qui a été aménagé. Donc, je ne vous dis pas, ça fait franchement... Rêver ou pas hein. Ça fait rêver ou pas. Ça ne fait pas rêver, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de... De gens. De ouais. Gens. De gens au mètre carré. Est-ce que c'est écologique, la construction au Bourget? Est-ce que, tout que je prenais pas parti. Est-ce que tous ces gens qui viennent en voiture, c'est écologique ou pas? Voilà. Parce que je sais pas s'ils viennent par à pied. Avion privé. Par avion privé. Eh. Barack Obama, il pourrait prendre EasyJet. Hein. Parce que Air Force One, c'est pas donné. Quoi. Vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je suis là pour vous donner les informations. Rappelons 36-37, le Téléthon. Pardon. Libre à vous de penser comme vous voulez. Chacun doit se faire en fait un avis et penser comme il le souhaite. Pardon. C'est drôle parce que. Avec Pierre. Salut Kawan! C'est bien parce que tu. Du coup, on te voit à la cam. Bah oui. Et les gens, ils voient quelqu'un faire. Eh, on invite l'empereur. Ouais, viens à discuter. Il va rougir. Il va a rougir. Des choses à dire sur la COP21. Parce que je sais que l'écologie et lui, ça fait un. Prends ton casque. Prends ton casque. Mais vas-y, Lina. Tu veux que je te laisse. Mais du coup, forcément. Oh une fille, quand même. Je suis galante, comme fille. Bon, Lina. Moi, continue. Ça devient gênant. Il n'y a pas de souci, c'est un débat. Bon, on va se foutre à poil. Hein. Ah bah, allez. J'ai dit débat. Putain, il est déjà 21h15 et hop, ça c'est va parti. Vite, hein. Ouais. Ah bah, ouf. Je vous avoue que ouais, j'avais un peu le trac avant de venir. Dans le couloir. C'est pour ça, on te met dans l'ambiance. Allez, continuez le 36-37, le Téléthon. C'est ton pays. Pardon, Mathias, qu'est-ce que tu fais ? Donc là, je meuble. Donc 36-37, le Téléthon. Donc oui. Vous pouvez rejoindre en même temps, parallèle, aller sur France 2 pour regarder Nagui qui présente avec les enfants handicapés. Donc on va encore faire du tir-larme, etc. Ah non, je ne dois pas prendre parti. Donc, à toi, tu bien. Prends parti si tu veux. C'est et moi qui ai dit que j'ai resté neutre. Et parlons aussi du coup du Nagui quiz qui devrait pas tarder. Ah, le Nagui quiz, oui, c'est vrai. J'ai pas le programme sous les yeux, mais je vais le trouver de ce pas. Le Nagui Quiz qui doit être à 4h du matin. C'est pas la chronique non. rap à 4h du matin. Le Nagui Quiz, c'est dans pas longtemps. Ah. Si Facebook était gentil et me laissait afficher, le Nagui Quiz, c'est à 23h. Donc, juste après l'heure d'après, ça va être leur fille. On va laisser les demoiselles prendre l'antenne. Entre elles. Seigneur. Entre elles. Et juste après, ça sera le Nagui Quiz. C'est bon, vous êtes installés ou je dois encore meubler ? Sinon, c'est voilà. Bon, à 14 ans, j'ai appris la trompette avec un jeune chaman Maout. Maout, c'est bon, donc c'est, peuplade indienne. Pardon. C'est bon, c'est meublé. On est bien installé. Ah, t'es bien installé, Pierre. Il est l'empereur. Très radiophonique, Pierre. Pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Moi, je trouve. J'ai envie de sampler ton pas du tout. pas du tout. Pardon. Alors, du coup, j'ai oublié le sujet avec tout... La COP21. Ah, la COP21. C'est vrai. J'ai suivi. C'est vrai. Ouais. Et c'est moi, je t'avais posé la question. Mais dis donc, la COP21, pourquoi ? Alors, pourquoi elle est si importante ? Je continue. Maintenant qu'on a parlé du nombre de personnes qu'il y aurait, de cet accord universel et contraignant auquel on doit aboutir, il y a évidemment un objectif financier. On attend 100 milliards, j'ai dit milliards, 100 milliards de dollars par an pour les pays développés, mobilisés à partir de 2020 pour le climat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, 100 milliards d'euros. Il y a 100 millions... Un sacré... J'ai changé de... Pognon. Sacré pognon. Ouais. Ensuite, il y a 100 millions d'euros qui vont être rapportés à l'Île-de-France pour la COP21. Donc, ça va apporter à l'Île-de-France 100 millions d'euros. Outrepassant les 170 millions d'euros qui ont été dépensés par la région Île-de-France en dépenses publiques. Du coup, ils se font un bénéfice 30 millions ou Et moi, je rajoute 10 euros et un sneakers. C'est pas mal. Combien dans la valise RTL tout de suite à vous, Cognac J. Le sniper. Oui, on oublie. Laurent Baffy. Mais du coup, tout cet argent, il faut le trouver. Et c'est évidemment des enjeux donc environnementaux, écologiques, mais on part sur des enjeux économiques, politiques, et ça passe par des accords entre les pays, entre tous les pays quasiment. Et alors qu'on est dans un climat de guerre constant, ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que à travers des guerres comme celle qu'il y a en Syrie, en Irak, on tout ça. On le sent encore maintenant. Voilà, on le sent après, encore plus maintenant avec tous les événements. Mais donc c'est vraiment un enjeu très très important. Et je vais remonter un peu le micro parce que c'est... Voilà. Donc à 14 ans, j'ai appris la trompette avec... Merci Kavan. Donc c'est des enjeux qui vont nous toucher directement. Et c'est pour ça aussi que je parle un peu de la COP21. C'est parce que nous, on est concernés. Dans 2020, on aura vraiment... Enfin, je ne sais pas vous, ne mais... Ne dis pas, comme ça, on ne donne pas notre âge. Les gens, on garde une part de mystère. Voilà. Ça, en tout cas, on est des jeunes adultes ou des jeunes adultes en devenir. Ça dépend pour qui, Mathias. Je pense qu'il est encore un peu un enfant, mais c'est pas... Non, Mathias, c'est un chien dans sa tête. Et il s'appelle Flippo. Flippo ? Ah si. Mais du coup, je trouve ça assez important. Et finalement, ce sont des gens qui des ministres, des chefs d'État. Et pas seulement, en fait. Fait remarquable, on a vu des stars américaines arriver à la COP21. Quand il y a du buzz à faire. Bah, pour donner leur argent, en fait. On a vu des élus du monde entier, ce qui est assez normal. On a vu des grands patrons. Le patron de Total, le patron de Volkswagen. Bah, vaut mieux, oui. On a vu que des mecs bien impliqués dans l'écologie. Ouais. On a vu le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Est-ce qu'on a vu le patron de BP ou pas? Et on a vu beaucoup de patrons. Je te le dis, tu pourras. Il y a moyen de trouver des listes sur Internet. J'allais pas faire un listing de toutes les personnes, toutes les personnalités présentes, mais on peut bien s'imaginer que tous les patrons des grosses boîtes qui j'allais dire qu'ils régissent nos vies, mais je ne prends pas parti. Donc tous les patrons de toutes les grosses boîtes du monde entier sont présents avec les stars américaines. Hein. Et les gens riches qui peuvent être mécènes. Tout à jet set, c'est sur place, quoi. Les grands patrons les patrons des grandes boîtes, bah, ils sont là juste pour montrer que leurs lobbies sont puissants et pour montrer qu'ils ont le dernier mot. Ouais, je suis d'accord. C'est ouais. Pas du tout pour promouvoir la communauté. Ils sont là pour surveiller. Pour surveiller toutes les annonces qui se font, tous les contrats qui se signent. Je peux pas prendre toutes les informations. C'est gênant. Et du coup. Attends, Charlotte, tu voulais dire quelque chose. Excuse-moi. J'étais d'accord totalement avec toi. Merci, Charlotte. Voilà, désolée. Et du coup, tous ces gens sont là pour donner leurs millions et leurs milliards. Et du coup, on espère qu'on obtiendra les 100 milliards pour les pays développés, même si c'est une somme d'argent qui m'affole quand même. Enfin, c'est vraiment, sans prendre parti, ne rien, 100 milliards d'euros par an, par pays développé, c'est... Par pays ou tous les pays ensemble? C'est tous les pays en... J'espère c'est... que c'est tous les pays ensemble. Ouais, parce que... 100 milliards. Ah, la dette, on n'est pas près de la... voilà. C'est 100 milliards par an pour les pays développés mobilisés. Voilà. Ouais, à bah partir ça doit de être 2020. Tout le monde en même temps, parce que je pense que 100 milliards, je ne sais pas combien de pays peuvent les donner. Quoi. Très peu. Bah, l'Allemagne, les États-Unis. Ouais. Voilà, ils le sont... Allez, on dénonce. Ils sont 5. C'est le top 5 qui vont les donner, puis après, plus rien. Mais du coup, à Paris, c'est... Bon, malheureusement, il y a eu des événements voilà, qui font que ce n'est pas facile pour les Parisiens. Ça de... pue du cul. Voilà, c'est pas top en ce moment à Paris. Mais du coup... à Paris, en ce moment, on parle de solutions climat au Grand Palais. On a Anne Hidalgo qui reçoit des maires de grandes villes venues du monde entier. Évidemment, du coup, dans l'actualité, on parle des baleines échouées au Chili, dont on n'a jamais... Non, je ne prends pas parti, je ne peux pas parler. Est-ce qu'on peut parler de la chasse à la baleine de retour au Japon ou pas? Voilà, on parle de la pollution en Chine, en Inde. On peut faire un aparté là-dessus? Ouais, parce genre que je trouve, deux minutes. Je trouve vous ça en très prie, drôle. Je vous en prie. Mathias, tu veux aller? Non, Mathias, c'est chiant quand tu racontes. En gros, la chasse à la baleine était interdite au Japon. Puis, parce que quand même, il y avait du pognon à se faire. Bah, tout d'un coup, comme ça, ils se sont réveillés le matin, puis ils se sont dit oh, tiens, on va réautoriser la chasse à la baleine. Du coup, maintenant au Japon, on peut tuer les baleines. Ouais, c'est cool, hein. Et ça, c'est pour la science, c'est ce qu'ils ont dit. Et ils vont en tuer 3995 baleines dans l'Antarctique. Sérieux ? En 3 ans, il me semble. Pour manger, hein, on va dire ça. Et voilà, je trouve ça un peu honteux de faire ça. Un beau prétexte. Et 3995, c'est pour pas dire 4000, hein, parce que je pense qu'il va y avoir des harpons perdus. Voilà. Il y en a combien de baleines en tout? Ah, doit y en avoir 2. Ouais. Et il y a la baleine 48 Hertz qui erre quelque part. Qui est toute seule. Mais qu'est-ce que c'est dit quoi donc, la baleine 48 Hertz? En fait, il était une fois. Alors, c'est Patrick Beau qui va parler. Du coup, je vais prendre la voix de Patrick Beau. Alors, il était une fois une baleine qui ne parlait pas sur les mêmes ondes que ses autres, que ses congénères. Ce qui fait que c'est la baleine la plus seule au monde parce que elle parle, mais personne ne l'entend. Et personne ne lui répond. Personne ne lui répond. C'est un peu moi, en fait. C'est un peu Mathias, c'est vrai. Mathias, on va l'appeler la baleine. Voilà. Hashtag nu anonyme, baleine. Mathias la baleine. Hashtag team Mathias, s'il vous plaît, les gars. Soutenez-le dans cette dure. Mais personne t'entend, Mathias. On va compter coup, les points, team te Mathias, team baleine, team balande. Oh. Joli. Non, c'était nul. Toujours. La voix du maître. Toujours, voilà. Pierre Mador. C'est vrai qu'on est de grands copains. La COP 21. La COP 21, monsieur Kawan. La COP 21, bah, pour tout vous dire, en fait, je vous présente ça de manière très neutre, mais je ne vais pas vous mentir, ça dure depuis donc, le 30 novembre, et au Bourget, là où toutes les stars américaines, les entreprises, les ministres, les élus, et tout ce beau monde se rencontrent. Boivent du champagne. Bah, en fait, les accords sont épineux. C'est-à-dire que c'est très compliqué, en fait. Personne n'est d'accord, et on a du mal à aboutir à des réelles solutions. Du coup, la France, qui est l'hôte, est obligée d'imposer d'ultimatums. Et aujourd'hui, devait être déposé un dossier sur le climat, un accord sur le climat entre tous les pays. Et c'était aujourd'hui la date limite. Et il s'avère que c'est plus compliqué que ce qu'on pensait. Après, je pense que c'est normal quand il y a 195 pays qui sont là pour se mettre d'accord. Je maintiens qu'il faut aller voir la vidéo sur Du Monde de Martin Winberg. Voilà. Très bien expliqué. La vidéo sur Du Monde. Avec les Monsieur Patates. Plus c'est rigolo, il y a des gens patates. Et puis, pour terminer mon petit exposé, on va dire, mais vous allez pouvoir réagir encore une petite demi-heure et très raconter bien. Tout ce que vous voulez sur les baleines. Oui. J'ai décidé de parler d'un. d'un phénomène qui est dû à la COP21, parce qu'évidemment, la COP21, ça mobilise tout Paris, et du coup, on a énormément d'expositions d'artistes dans tout Paris, des icebergs qui fondent, enfin des sculptures d'icebergs qui fondent, différentes... Ah, bravo, la fonte des glaces. Oui, voilà. Beaucoup, beaucoup belle illustration. Oui, ouais, non, mais c'est... Il y en a partout dans Paris en ce moment. Et des affiches publicitaires, notamment. Des affiches publicitaires que le groupe londonien Brandalism, donc qui est un groupe de graffeurs, c'est un collectif londonien qui a décidé de détourner les affiches de la COP21 et qui expose en ce moment même 600 affiches avec des slogans détournés. Alors c'est très, très, très bien fait, dans le sens artistique, hein, je ne prends pas parti. Oui. Mais donc des affiches détournées par les artistes, et on les retrouve, en fait, ils les ont placées partout dans les abribus à la place des autres publicités, et c'est une sorte d'opposition artistique. C'est vraiment à voir. Si vous tapez Brandalism, Brandalism, sur les gens ont internet, Brandalism, voilà, sur, vous allez regarder, et franchement leurs graphes, leurs retouches photos sont impressionnantes. Et des fois, on dirait même des véritables affiches. Et c'est très, très ironique. Et il faut savoir aussi que, évidemment, la COP21, c'est très, très présent dans les informations, dans les médias, dans les journaux, parce que le gouvernement fait une pub énorme, donc notamment avec ces affiches qui ont été détournées. Mais il y a énormément d'opposition aussi. Beaucoup de gens sont opposés à cette COP21 et considèrent que les enjeux abordés ne sont qu'une couverture pour permettre aux grandes multinationales de faire du lobbying, etc. Enfin, c'est très, très controversé, mais c'est très important. Et ça se passe en ce moment. Donc, si vous avez l'occasion de traîner sur Internet, de vous renseigner, ou même juste de regarder ce que fait Brandalism, donc ce collectif londonien, prenez le temps, parce que ça nous concerne tous. On vit tous sur la même planète, je pense, et non. Même s'il y en a qui sont, qui sont un peu à l'ouest. Moi, je suis ailleurs, Mais c'est notre avenir aussi qui est en jeu, et si vous avez envie d'avoir des gosses, ben, c'est un peu celui de vos gosses aussi. Je sais qu'on répète ça. Je sais qu'on répète ça, toi, je ne veux plus te parler. Je sais qu'on répète ça à longueur de journée, que c'est notre terre, machin, mais si on le répète, ce n'est pas pour rien. Évidemment, je ne sais pas si c'est cette conférence qui changera le monde. Il y a beaucoup d'espoir placé, il y a beaucoup d'opposition, mais c'est important que chacun, et surtout nous, les jeunes adultes, puissent réagir et avoir un avis là-dessus, et puissent penser par soi-même et entreprendre des gestes et des choses pour améliorer la vie sur Terre. Voilà. C'est bon ? On peut essayer. Tu peux te lâcher. Tu peux te lâcher et dire ce que tu penses de la COP21. Alors, je vais pas dire ce que je pense de la COP21 parce que en fait, je m'en fous un peu. En fait, c'est pas que je m'en fous ce qu'ils vont dire. C'est juste, enfin, s'il va être décidé, etc. Je sais pas que je m'en fous du climat et de toute histoire. C'est juste que je pense que c'est un peu sortir des gros chars d'assaut à faire des conférences avec plein de mails dans tous les sens qui servent un peu à rien. Il faut savoir que le dernier traité qui a été fait pendant une COP, je ne sais plus laquelle exactement, mais c'est le traité de Kyoto qui n'est plus actif depuis 2007, je crois. Donc depuis 2007, les pays peuvent faire ce qu'ils veulent au niveau climat. Et ça, on n'en a pas entendu parler. Et depuis 2007, ça fait quand même, allez, ça fait 6 ans maintenant, 7 ans 8 ans, putain, ça fait 8 ans qu'il ne s'est rien décidé. Ça fait 8 COP où il ne s'est rien décidé. Et du coup, je vous renvoie sur une vidéo de DataGueule. DataGueule, très bonne chaîne YouTube. Ah oui, en plus, c'est produit par France 4, hein, il me semble. C'est produit par France 4, Nouvelles Écritures. C'est vraiment sympa. Donc, c'est très sympa. Allez voir les vidéos sur la COP21 et le climato-scepticisme. Qui est plutôt sympa, je trouve, qui explique bien comment c'est foutu et qui disent qu'au fait, 2 degrés, même si on arrête tout, il faudrait 150 ans pour perdre 2 degrés. Voilà. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens sceptiques, ouais. Vous vous souvenez tous de Philippe Verdier qui faisait la météo sur France 2. Il a été viré. Donc moi j'ai pu discuter avec lui plusieurs fois et tout. Parce que j'en ai chez France 2 à ma droite, on va le dire tout de suite. On pèse un peu dans le game du journalisme ce soir. Non, mais voilà, j'ai pu discuter plusieurs fois avec lui en juin dernier. Donc, c'est quelqu'un de très agréable, très sympa, qui s'est marié il n'y a pas longtemps. Enfin, je ne vais pas raconter sa vie, mais c'est quelqu'un de... On t'embrasse. On t'embrasse, météorologue. Philippe. Et du coup, en fait, quand je suis arrivée en octobre cette année dans les locaux de France 2, il s'avère qu'on me dit, et c'était affiché partout, que Philippe Verdier a reçu une lettre qui lui disait... De licenciement. Va-t'en. Sympathique. Va-t'en, parce qu'il était sceptique sur le climat. Et je me suis demandé, c'est là que j'ai commencé à m'interroger pourquoi est-ce que c'est si grave. Mais et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, le gouvernement organisait la COP21 en France cette année. Et... que toute forme de scepticisme était prohibée, on va dire. Mais les climato-scepticistes ou les ou scepticisme par rapport à la COP21. Alors lui, c'est un climato-scepticiste. Du coup, il pense pas que le réchauffement climatique existe. Alors c'est pas ça. C'est qu'on soit d'accord, hein, parce que pour moi, le climato-scepticisme, c'est ça. Et c'est la définition. Alors, il a écrit un bouquin, si tu veux le lire. Et en fait, c'est non, ce je bouquin lis pas, qui fait. Je regarde des vidéos sur YouTube, mais je ne lis pas. C'est ce bouquin qui fait débat. Alors, je vous interromps. On accueille deux nouveaux invités. Oui. Alors, un invité. Premier, on va l'applaudir. Oui. Le hué. Le propose. Le hué. Le hué. Le hué. Victor. Salut. En retard parmi les retards. Moi, je vais m'asseoir. Tu peux t'installer. Attention. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Ouais, ouais, je vais faire tu veux rester? Ok. T'as, Pierre s'en va. T'as un casque, ami. Ami moi, j'en ai deux dans mon sac. Et t'as, un coupleur. T'as le splitter sur toi. Non, j'ai pas de casque, je vous ai déjà tout donné. T'as oublié le splitter? Ah, moi je vous ai déjà donné. Non, tu les deux. Il faut une intro. Alors, à 14 ans, Charlotte, on fait un interlude. Alors, Charlotte et moi, j'avais on va faire un interlude. Chose à dire par rapport à ce que tu les as pas filés. Attends, on fait l'interlude. Ah, je vais aller chercher après, t'inquiète. Il faut qu'on trouve un interlude. Alors, on va vous parler. D'un le festival. Alors les vacances. Les vacances d'été. Alors c'était vachement cool. Budapest. Très belle ville. Très belle ville avec des terres magnifiques. Magnifique. C'est bon. Attendez deux minutes. Il se passe quoi? Parce que là je comprends plus rien. On fait l'interlude. Ah l'interlude. Sinon, ouais, je vais me pousser. On accueille Simon aussi. Salut Simon. C'est un peu le moment nul où les gens s'installent en plein milieu des d'heures. Vas-y le ukulélé, s'il te plaît. Je vais faire un interlude musical. Vas-y. Ukulélé. Pendant que messieurs mettent leur casque, ils sont je sais absolument pas jouer. C'est pas grave. Du coup, les gars, moi je m'appelle Victor. Je suis l'un des salariés. Ton micro il est pas allumé. Attends. C'est peut-être pour ça. Son micro est pas allumé. Est pas allumé. Non. Merci. Ça y est. Est-ce que on m'entend? On t'entend. Alors oui, on moi t'entend. C'est Victor. Voilà, je suis en retard et je suis l'un des quatre savoureux qui devait être là à la première heure, mais je suis pas là parce que j'ai oublié mon portable chez moi. Alors vous avez peut-être entendu des cailloux qui tapaient la fenêtre. Non. Bah c'était moi. Voilà. J'ai fait ça. En fait, j'avais oublié qu'on la porte était ouverte et du coup, je suis resté 20 minutes dehors. Voilà. C'est moi. C'est Victor. Est-ce que c'est un déchet? Est-ce que c'est un tocard? Oui, bravo. C'est moi. Hashtag nu anonyme. Victor Tocard. Victor Tocard. On a Mathias la baleine et Victor le Tocard. Je trouve que c'est pas mal. Non, j'ai déjà lancé une team Mathias. Je sais pas si on m'a répondu encore. Alors, y a Stéphanie je me décale un peu. Qui dit pauvre Mathias. Et c'est tout. Dans c'est les commentaires. C'est tout. Tu peux nous faire un petit check-up commentaire à la fin de l'heure, ouais, si t'as ouais, pas chaud. Moi. Bah, si vous voulez. Très bien. Ouh, allez. Mais sinon, comment ça va? Ça a bien commencé. Oui, là, on parle COP21. On parle géopolitique. Et alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez dit? Il fallait être là avant. Ah, ça va, je demande pour meubler un peu. Hein. Moi, j'ai expliqué en gros, manière très neutre et sans engagement, c'était quoi la COP21. Yes. Et je les ai laissés réagir. Ce que j'ai cherché à faire aussi, c'est parler d'un événement très important au niveau mondial, dont quasiment personne n'est au courant. Il ouais. Y a très peu de jeunes qui sont au courant. C'est quoi? Et la COP21. Ah, c'est la COP21. Parce que même moi, je ne suis même pas au courant parce que personne n'en parle, en fait. Mais personne n'en parle, ça, alors que c'est très, si, très si, important, si, comme on a pu en parler. Non, je rigole, je te pique. Pendant 35 minutes avant. D'accord. Mais pour que les gens puissent réagir et se faire une opinion, et se forger une opinion à ce sujet, parce que c'est quand même important, c'est alors, quand même l'avenir. Alors, ça. Je propose. Et du coup, on était en train de dire un truc. Ouais, et moi, je propose un petit tour de table, parce que je ne sais plus de quoi on parlait. De la COP21. Je veux lancer aussi un truc dans le chat. Si quelqu'un veut que je termine avant la fin de cette nuit anonyme l'anecdote sur moi qui ai appris à 14 ans la trompette avec un chaman Maout. Ah non. Moi je veux bien. Non. Ah moi je suis trop chaud. On veut 100 likes. Yes. Sur le peut-être statut. Peut-être qu'on en aura 4 à la fin de la soirée. Du coup on va parler. Je propose un tour du table sur. Mais les gars, vous faites quoi pour la planète? Parce que je vais être honnête, honnêtement. Moi, mes ampoules, c'est pas des ampoules basse consommation, hein, c'est 75 watts, c'est ce qui est en train d'éclairer là. Ouais, alors que moi, c'était des ampoules basse consommation et j'ai piqué celle de Mathias pour. Parce qu'on voyait que dalle. Parce que là, c'est mal éclairé, mais avec mes anciennes ampoules, c'était encore moins bien éclairé. Mais ça s'achète plus, hein, si je me trompe bien. C'est que des basse consommation, on peut plus acheter. Ah bah ça, j'ai acheté l'année dernière. Hein. Ah d'accord, ok, bah excusez-moi, je pensais. Oui. Ah ok, excusez-moi, je ferme ma gueule. Mais effectivement, ça va disparaître. Il y a d'accord. Il y a quelqu'un l'année dernière qui nous a dit de faire nos stocks d'halogène. Oui. Si je me t'en souviens, rappelles, je me souviens, une personne, big up à toi, monsieur Moreau. Et ouais, okay. Enfin voilà, donc moi c'est des 75 watts basiques. Par contre, j'éteins les veilleuses la nuit, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas payer des factures d'électricité énormes. Oui, c'est juste pour des raisons de thunes. Pognon, hein. En fait. Et par contre, le tri sélectif, je ne le fais pas parce que ça me gonfle. Ah, oh putain. Je vais. C'est ça, en fait. Tu me sidères. Excuse-moi, mais. Espèce de déchet vivant. Tu vis dans 20 mètres carrés et comment tu mets 2 à 3 poubelles chez toi? Voilà, je te lance sur cette question. Non, ça dépend, je pense, ça dépend des villes, ça dépend des mairies en fait. Ouais, et en plus, ton sac de verre, du coup, tu vas l'amener dans la benne qui est à 10 bornes d'ici ou comment ça se passe? Alors justement, ouais, Mathias, je suis d'accord avec ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a énormément de personnes qui sont dans ton cas et qui pensent comme toi. Et finalement, on est tous ici. Même moi, je te parle environnement, mais je ne suis pas sûre d'être la plus clean niveau pollution, tout ça. Même si j'évite de jeter mes clopes par terre et mes chewing-gums, etc. Enfin, c'est vraiment au niveau mondial. Et comme dit, c'est... Pour ça, je ne prends pas parti, que les grands patrons des firmes comme Total ou Volkswagen sont présents à la COP21, c'est parce que ça doit, avant de se régler au cas par cas, ça doit se régler de manière générale. Ouais, ça doit se régler d'une manière beaucoup plus globale. Il faut que ça soit surtout plus simple aussi. Vous dites que vous n'êtes pas écolo, enfin, c'est pas ça que vous avez dit. Non, mais niveau. Voilà, qu'il y a certaines choses où vous ne le faites pas, mais faut quand même reconnaître. Que depuis quelques années, il y a une conscience collective qui a émergé. Ouais. On est vraiment cette génération qui a pris conscience de l'enjeu de l'environnement. Et j'ai l'impression que c'est difficile de parler aux anciennes générations de nous. On n'a pas ces problèmes d'argent, ces machins, ces trucs qui font qu'on est bloqué. En soi, on veut que l'environnement aille mieux, faire un petit geste pour la planète. Mais on est mêlé à des personnes qui n'ont pas cette conscience-là et c'est très triste de se sentir un peu impuissant. Et je pense que même si vous pouviez dire que vous n'avez pas de conscience écologique ou quelque chose de sorte, il y a un c'est cycle. N'importe quoi ici, franchement. Je suis désolé. Comme si on n'avait rien vu. Non, vous n'avez rien vu. Personne n'a conscience. Si vous dites que vous n'avez pas de conscience écologique, vous en avez plus que certaines personnes et malheureusement certaines personnes qui, elles, peuvent vraiment concrètement changer les choses. Ouais. Oui. Voilà, le grand froid. Je drop the mic. Voilà. Okay. Non, mais c'est pour ça que c'est important que ce soit nous aussi qui ayons vraiment conscience de tout ça et qui ayons conscience que la COP21, c'est important, c'est clair. Franchement, tous les gens à qui j'en ai parlé vont me dire c'est chiant et tout, mais ouais, mais il faut s'y intéresser. Et c'est surtout nous qui pourrons agir. C'est ça. Et juste, ce serait bien qu'on continue le tour de table. Et avant, ouais, continue. Ouais. Je sais pas, personnellement, mais là, je vais lancer le débat peut-être après, mais personnellement, je ne suis pas si sûr du fait que la COP21 soit importante. Alors, moi, j'ai peut-être une anecdote. Peut-être que je vais dire quelque chose d'important, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'anecdote de moi à 14 ans qui a appris le... Non, c'est pas exactement ça. C'était moi prenant le trombone. Non. C'était pas ça a failli être nul. Wow. Oui, ça a failli. Merci de m'aider, les gars. C'est bien qu'on soit 6. Merci. Ça... Sans compter, tout merci, les gars. Non, non, c'était. En fait, je voulais me sentir concerné par la COP21. Je connaissais pas trop. J'avais vu les pubs au cinéma entre la bande-annonce de Babysitter 2 et Aladdin. Du coup, voilà, il y avait l'annonce de la COP21 à ce moment-là. C'est des valeurs sûres. Et non, moi je me souviens, est-ce que vous avez déjà parlé de la vidéo de Nicolas Hulot ? Oui. Oui, oui, oui. Alors juste, moi je venais de la regarder en fait, et là je disais, ouais, maman, est-ce que t'as vu la nouvelle vidéo ? Est-ce que c'est passé à la télé et tout ? Bon, ça va, oui, j'aime bien ma mère, j'aime ma mère, dédicace à ma mère d'ailleurs. Dédicace à toutes les mamans. Et en fait, elle me disait, bah oui, peut-être que tu te sens concerné, mais en attendant, est-ce que tu peux fermer la lumière que t'as laissée allumée toute la journée dans la salle de bain ? Et là, je me suis senti vachement con parce que je me suis dit, ouais, je me hype pour une chose, mais que je... En fait, c'est juste de la... Je sais pas si vous voyez ce que ça je veux dire. Ça fait miroiter. C'est un effet de mode. C'est presque un effet de mode. Et genre, je me suis même pas... J'ai même pas réfléchi au sens même de la COP21. Et c'est là où je me suis dit qu'il y avait un problème. C'est que peut-être qu'on en parle de façon où les gens vont en parler, mais pas forcément y réfléchir. Je trouve qu'on en parle plus du point de vue diplomatique que point de vue écologie. Clairement. Bah en fait, si tu veux, je trouve que c'est bien que tu aies voulu t'y intéresser, mais je trouve que chez les jeunes, c'est un sujet qui est quasiment inexistant. Et si des jeunes en parlent, c'est pour dire... D'accord. Il fait un cœur. Vas-y, Lina. Et si des jeunes en parlent, c'est pour dire, ouais, François Hollande a perdu tant et tant en cote de popularité. Ouais. Il a gagné là. Il a plus de 50% des. Il a pris 20 points dans les dents. Putain, voilà, si on en parle, c'est de manière effectivement futile et sans réfléchir, comme tu dis. Mais il y a vraiment très peu de jeunes qui sont touchés par cet événement, quoi. Disons que c'est loin, quoi, et c'est surtout quelque chose de rien. Et c'est que tu n'arrives pas à formuler ta phrase. C'est que c'est loin, et que surtout, tu t'y intéresses pas parce que c'est quelque chose qui est... c'est pas palpable. Tu peux pas t'y intéresser. C'est vraiment quelque chose, c'est un petit point dans l'horizon que tu peux pas avoir, quoi. Ouais, carrément. En plus, tu vois, tu parles des jeunes, tout ça, mais en même temps... J'aime bien parce que c'est les vieilles générations entre guillemets qui s'en occupent pour nous les jeunes finalement. Oui, voilà. Et c'est là où il y a un petit paradoxe parce que ça nous concerne nous. Et c'est ouf quand même parce que moi j'en entends parler parce que t'es forcément sur les réseaux sociaux, t'es forcément vu des pubs à la télé, t'as forcément une fois été au cinéma ces 4 derniers mois et du coup tu sais que c'est présent mais quel est l'enjeu exactement ? Bah, je le connais pas. Bah, c'est parce que tu as loupé ma superbe chronique sur la COP21. Je crois que c'est pour ça. Tu peux le rattraper en lisant les fiches. Yes. Je vais lire les fiches en essayant de casser le moins de lattes possible, je pense. On n'a pas été assez éduqués, en fait, dans ce côté, on va dire, faire attention à l'environnement. C'est arrivé tardivement. Oui, voilà, c'est arrivé beaucoup trop tard et on nous met une pression, en fait, qu'on n'a pas envie de subir. Ça fait peur. Oui, voilà, en fait, on nous fait peut-être trop peur pour qu'on puisse agir correctement, en fait, puisque du coup... On répare le lessive. Petit problème technique de lit. Ça commence de l'autre côté, Simon. Je faisais genre, je m'y intéresse, mais en fait, non. Ah, fou, en fait. Excuse-moi. Il est là pour orner le décor. D'accord. Reste là, toi. Je sais plus ce que je disais, du coup, j'ai été... Oui, que ça nous fait peur. Ouais, et que du coup, on prend ça peut-être pas de la bonne manière et on n'agit pas, du coup, de la bonne manière. On fuit ce truc-là. Et j'avais vu, du coup, l'année dernière, un espèce d'événement sur l'île, où, en fait, toute la journée, ils avaient ramené... L'île de quoi ? Yes. J'ai jamais autant ri. Merci, Kawan. Voilà. Je me marre. Se marre tous. Du coup, à Lille. Et on peut faire un nouveau hashtag, c'est la team Kawan humoriste nul. Humoriste à mi-temps. On va rajouter Mathias. Bon, bah, c'est la fin de la nuit anonyme. Salut les gars ! Bisous ! Je sais plus ce que je disais. Bah, c'est bien, ça fait deux fois quand même. C'est bien de couper les gens qui ont du mal à parler. Là, comme ça, voilà. J'avoue. J'arrive pas à en placer une depuis tout à l'heure, et là, pour une fois que je parle, on... De rien. Merci. C'est du les... coup, oui, l'événement à Lille. Bordel. Excusez-moi. Donc à Lille, où ils avaient raboté quelques personnes, on va dire, je ne sais pas si c'était bénévole ou pas, Où en gros, fallait toute la journée, ils proposaient de ramasser en fait les, tous les détritus qui traînaient par terre sur la grande place de Lille. Toute la journée. Et j'ai pas vu énormément de monde, quoi. Enfin, bah, pas de jeunes en tout cas. Alors, je vais t'expliquer un truc simple. Parce que nous, on a ça dans, sur la côte bordelaise, on a ce genre de truc. Enfin, bordelaise, on va dire. L'homme bordelais. Sur la côte, ouais, vas-y, sur la côte de l'Aquitaine. Là où il y a, c'est où, là où il y a des plages. Vous connaissez les plages dans le nord ou pas? Chut. Oui. On est critique. Les abeilles de l'eau. Oui. Le Cap Blanc-Nez, le Cap Griné. Moi non plus. Wow. Et l'eau, et tu vois des... Il y a l'Angleterre en face. Voilà, moi, je vous parle des vraies plages avec du sable et tout, des gens dedans. La plage, quoi, des vraies plages. Voilà. Et avec du sable fin. T'es déjà allé au Maroc? Et des petites vagues. Voilà, ta gueule. Je sais pas ce que c'est la plage. Enfin, arrêtez de vous en prendre aux vieux, s'il vous plaît. Et du coup, laissez le vétéran. Moi, je vais pas être raciste, je vais rien dire sur le Maroc. Ouais, moi non plus. T'as pas intérêt à dire quelque chose sur le Maroc. Surtout que la COP22 se passera au Maroc. Donc, hein. Comme chaque année, bah, du coup, en Aquitaine, ils font des trucs, nettoyer la plage avec toutes les merdes qui viennent de l'océan tout le temps. Et du coup, à chaque fois, ils font des grosses campagnes de promo où c'est ça. Et chaque année, il y a des gens qui y vont. Et à chaque année, on me propose. Et chaque année, je réponds pas à l'événement pour faire genre, j'ai pas vu. Parce que si tu mets non, bah, t'es catégorisé, ouais, en tant que gros connard. Et c'est juste parce que t'as la flemme d'y aller. Et si tu réponds oui, eh ben, bah, t'es un peu forcé d'y aller, quoi, au final. Du coup, bah, tu réponds pas et t'ignores ce genre de truc. Mais c'est... Enfin, je trouve que... Enfin, tu vois, ça peut être sympa, mais honnêtement, ramasser la merde des autres, au bout d'un moment, ça me saoule un peu, quoi. Alors, sur le chat, il y a la maman de Mathias qui dit « Et les bouteilles de bière, tri sélectif ou pas ?» Génial. Bravo, bravo. C'est beau, bravo. Bravo. Dédicace à la mère de Mathias, surtout. Alors, moi, je vais répondre à Charlotte, qui disait que, justement, on n'avait pas moyen de trop s'engager ou quoi. Je vais vous dire, par rapport à la COP21, il y a moyen de s'engager. Enfin, d'après ce que j'ai vu, après, c'est sur les pubs, sur les affiches, tout ça. Mais il y a un site internet, cop21.org, et le slogan, notamment, c'est... Maintenant, alors c'est Pierre, Paul le et Jacques. Le changement, c'est maintenant ou pas? Non, Pierre, Paul, Jacques. Ah oui, j'ai vu cette pub. Pierre, Paul, Jacques. Compte autant que les voix que. Compte autant que les voix de Barack et Hollande. François. Et en fait, c'est-à-dire que les gens peuvent télécharger l'application COP21. Bon, je vous aller aussi sur Internet, hein, ça marche aussi. Ça serait très drôle qu'il y ait mettre payante. Ah ouais, ouais. Ce serait le... Oui. Ce serait n'importe quoi. Sur COP21.org, et ben, apparemment, on peut voter parce que une voix, c'est plus une voix, plus une voix, plus une voix, bah, ça fait plein de voix. Et il y a des. T'es pas drôle. Je me casse. Bon, voilà, c'est fait. En fait, donc. Mais du coup, bah voilà, il y a moyen de. Je suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui le fasse, mais si vous avez 5 minutes, franchement, intéressez-vous-y. Laurent, vous le dites. Laurent, j'attendais celle-là. J'hésitais à dire Alain Souchon. Ah, au fait, Victor, on te le dit direct. Le petit jeu du mass market a déjà été fini. Non, mais de toute façon, il s'en souvenait plus. Okay. Tu sais qu'il est alcoolique. Non, c'est toi l'alcoolique. Spécial dédicace à la mère de Mathias aussi. Mais du coup, voilà. Donc, il y a moyen d'aller donner votre avis sur le site internet de la COP21 prévu à cet effet. Elle dure combien de temps, la COP21? Elle dure jusqu'au... Donc, elle a commencé le 30 novembre et elle dure jusqu'au 11 décembre. Mais... Qu'est-ce qui fait que t'as beaucoup été touché comme ça par la COP21? Oui, je vois que t'en parles avec cœur, en fait. Et beaucoup d'entrain, et j'aimerais savoir pourquoi, en fait, d'où t'as obtenu ça? C'est tes parents qui t'en ont parlé? C'est d'où est-ce que t'as vu ça, en fait? Pas du tout. En fait, quand j'étais à Paris, j'ai eu la chance d'aller à des conférences de presse pour l'ouverture de la COP21, tout ça, la préparation. J'ai filmé des ministres en train de parler de la COP21, et... je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tous les jours, on a au moins une interview d'un ministre ou d'un élu qui parle de ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, j'ai commencé à me faire ma propre opinion. Je suis allée, j'ai lu les journaux, j'ai été sur Internet, j'ai regardé les infos et je me suis fait un brassage de tout ça et pour savoir ce que c'était. Et en fait, bon, après, en ce moment, j'ai aussi j'aime bien regarder tout ce qui est information, tout ça, tout ce qui est géopolitique, économie, ça m'intéresse vachement pour même pour l'avenir. Et je me suis dit, mais quand j'en parlais en rentrant au BTS et tout, bah, y avait peu de gens qui étaient au courant. Il y avait. Pardon. De quoi ? Non, c'est bon. Merde. Non, on en parlera après. Mais du coup, j'ai fait. Enfin, j'en ai discuté avec plein d'amis et peu de gens qui étaient au courant, même mes parents, tu vois, je suis pas sûre qu'ils sachent vraiment de quoi il s'agit. Parce que ben, finalement, quand on cherche pas, on n'est pas si bien informé que ça. Et du coup, je me suis dit, mais c'est l'occasion là, de dire aux gens qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, et que les gens puissent aller voir s'ils ont envie d'aller voir, et au moins penser par eux-mêmes, se faire une opinion. Parce que c'est super important de ne pas prendre l'information comme on nous la donne, mais de prendre toutes les sources d'information et de se faire sa propre opinion, d'aller voir ce que dit l'opinion, d'aller voir ce que dit le gouvernement, d'aller voir ce que disent les autres pays. C'est super important et moi je voulais faire un brassage de tout ça, le ramener à vous et vous permettre de, bah, de vous faire votre opinion. Et, ouais, c'est, un peu c'est un peu le passage obligé en fait, si tu veux. Si tu veux vraiment t'y intéresser maintenant, en fait. Bah, ouais, ouais, bah oui, bien sûr. Du moins à la COP 21, je pense qu'on a tous entendu parler de ce truc, mais on ne sait pas vraiment. Comme je disais tout à l'heure, on sait pas vraiment les enjeux. On sait qu'il y a comme ça des rassemblements des chefs d'État. Il y en a souvent, il y en a quand même beaucoup. Et là, on nous en parle parce que ça se passe en France. Je ne suis pas sûr que dans les autres pays, on en parle comme ici, on en parle. C'est quand même un gros coup médiatique. Bah, c'est comme, dans c'est les comme... autres pays, on en parle en fait, mais... Bah, c'est comme je disais tout à l'heure, est-ce que tu étais au courant qu'il y avait une COP 20 ? Voilà, c'est ça ce qu'on disait tout à l'heure. Ça a été créé moi, en 20. 92. La COP, la première COP, elle a eu lieu en 94. En 94, voilà, c'est ça. Et donc ça a été créé en 92 à la fin d'un sommet sur la Terre à Rio. Donc il y a eu ce sommet sur la Terre comme Oui. Et ça a été créé à la fin de ce sommet parce qu'il y a une convention qui est sortie tout ça, mais je l'ai déjà dit. Et il m'a fait, super peur. J'ai voulu prendre la parole. Comment voilà. J'ai chié. Simon n'a pas parlé de tout le moment où il était là, mais à un moment il a éternué, ça a changé la face du monde. Il a exprimé son dégoût devant tout le monde, quoi. C'était chaud. Alors, j'ai eu super peur. Putain, alors sur cet éternuement, je pense qu'il faudrait trouver un mot de la fin ou terminer ce tour de table parce qu'il reste 7 minutes pour 7 heures. Bah, un petit mot de la fin pour tout le monde. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est merci de m'avoir permis de m'exprimer sur un sujet qui me tient à cœur. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous et de partager tout ça. Et puis, bon, j'avais dit que mais c'est ça, la nuit qu'on allait beaucoup rire, mais on a quand même ri. Et puis, le meilleur reste à venir. Et puis, voilà. Le meilleur, c'est toute la nuit. Pensez par vous-même. Et puis, c'est le principal. Quoi. Faut se faire aimez-vous les uns les autres. Aussi. Ne devenez pas un étranger pour vous-même. Oh, connais-toi toi-même. Ça sera pour le mot de la fin de la fin. Non, on va faire un tour de table. Ouais, tour de table. Carrément. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je l'ai déjà fait pour. J'ai déjà dit ma question. Tu sais, c'est sur le. Ouais. Donc toi. Je vais passer la parole à Simon d'abord. Qu'est-ce que je suis censé. Bah, tu sais. Enfin, Simon, que je fais là, il suit extrêmement bien. Niveau geste écolo, bon, on évite. Je suppose que t'as pas de voiture et tu prends pas ta voiture pour aller chercher le pain le matin. Mon proprio recycle, donc je recycle aussi, mais honnêtement, c'est tout. Ouais. J'ai des ampoules basse consommation, mais. Non, c'est vraiment tout. Voilà, je me suis pas en fait renseigné assez, je pense, sur la COP 21 pour en parler. C'est tous les jours. Mon expérience, avec ton cœur. Bah, je pense que c'est important. Après, c'est vrai que je suis d'accord dans le sens où j'ai pas entendu parler de la COP 20, donc ni avant. J'avais entendu vaguement parler de la COP quelque chose. Je savais que c'était lié à l'environnement, mais là, c'est vrai que comme ça se passe en France, je pense que c'est aussi pour ça qu'on entend autant parler. On se rappelle tous de la blague de la COP du monde. Merci Kawan. Meilleure blague du moment. Il l'a fait. Ah, c'est vrai que je l'avais regardé à la télé, celle-là, c'était pas mal. Non, en fait, j'étais renseigné. Non, mais voilà, après, je pense que c'est important. Après, il faut voir aussi qu'est-ce que ça va changer. Parce que c'est bien beau qu'on en parle, mais c'est surtout ce qu'on va en faire qui va changer quelque chose et qui va amener quelque chose. Et là, on pourra se dire, OK, la COP21, on va la retenir, ça va servir à quelque chose. On a bien fait d'autant en parler. Mais si on en parle pour rien, c'est dommage, mais ça ne servira à rien. Mais j'espère que ça servira, évidemment. Surtout qu'ils veulent récolter combien déjà C'est 100 milliards de dollars par an pour les pays développés à partir de 2020. Ça aura le temps de changer. C'est bon, ça va. En fait, j'ai une question. C'est vrai que j'avais entendu parler du 2 degrés pas avant, je sais pas quoi. J'ai pas compris ce que c'était. En fait, on dit que d'ici 2020, la température, si tu veux, de la planète, en gros, augmentera, qu'on aura 2 degrés supplémentaires. Ce qui infligerait des conséquences très très néfastes à toute la nature, aux océans. Enfin, tu aurais une fonte des glaces irrémédiable, l'Antarctique qui disparaît, les sommets les plus élevés qui fondent, pareil. Enfin, quelque chose d'assez horrible. Bah comme ça, on pourra boire de l'eau. Et on veut éviter, en fait. À la place de la bière. C'est ça. Le but, c'est de vouloir éviter cette augmentation. Mais Mathias le disait à juste titre. À l'heure, même si on arrêtait tout maintenant, il faudrait 150 ans pour éviter. Mais c'est plus de degrés. C'est irréversible en fait là où. Ouais bah. On peut on peut juste limiter la case. Ouais, limiter la case. Voilà. On peut plus réparer les erreurs, on peut juste limiter. J'aimerais juste dire une dernière chose, c'est qu'on est tous touchés d'une manière ou d'une autre par l'écologie. Je parle pas de la COP21. Oui. Parce qu'on a tous des anecdotes. Moi, hier, je me suis trompé de poubelle. J'ai vidé ma poubelle à bidon dans ma poubelle de tous les déchets. Et tu vois, c'est un truc que j'aurais pas fait il y a quelques années. Mais j'ai tout retrié, tu vois. J'ai vraiment ouvert ma poubelle et j'ai tout retrié. Et je pense qu'on est tous touchés, comme je disais tout à l'heure, avec l'histoire de laisser des lampes allumées. On est tous touchés par ce truc-là. Et à un moment, il faudra vraiment s'y confronter. Parce qu'on fait tous des erreurs. Et c'est pour ça qu'on y est confronté, c'est qu'on fait tous des erreurs. Et pourtant, je ne me revendique pas du tout écolo. Hein, genre, quand on va voter là, dans un jour, là, dimanche, moi, je vais... Le Téléthon 3607. Enfin voilà, je veux dire, c'est qu'on est tous touchés, donc il y a un moment où il faut vraiment s'y confronter. Et même si on n'y parle pas beaucoup, je pense que comme tu as raison, de Lina, d'avoir eu cette démarche, de s'intéresser à ça. Et voilà. En tout cas, ça a amené le sujet du coup ce soir. Ouais. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Merci Lina. Et toi, Kawan, du coup ? Parce que tu l'as pas dit. Oui, alors moi, mon avis, c'est que. Mais moi, je suis très pessimiste. Du coup, moi, je pense que la COP21. Ça va servir absolument à rien. C'est juste de la parade et du show-off pour montrer que on s'intéresse à l'écologie, votez pour nous. Et je pense vraiment que la conscience écologique, elle n'est pas encore dans le cerveau de ces personnes-là. Que des gens qui sont touchés par l'écologie et qui seront autres que se revendiquant d'un parti écologique, ça arrivera... beaucoup trop tard, parce que c'est des gens qui ont notre âge maintenant, et quand ils auront l'âge pour avoir une importance politique, parce que dans notre pays, ou même dans tous les autres pays, une carrière politique, ça se construit sur le temps. Je pense qu'il sera trop tard et que des dégâts irréversibles ont été déjà causés. Et je pense surtout qu'on va continuer comme ça dans cette chute et qu'on se rendra compte que les gens commenceront à se rendre compte bien trop tard que l'argent, ça se mange pas. Très bien. Tu cites un proverbe africain, il me semble. Non. Sûrement. L'Afrique, c'est vaste, hein, quand même. Hein. Excusez-moi. Mais... Non, mais l'Afrique est représentée à la COP21. Oui, oui. À 14 ans, donc la trompette. D'ailleurs, il y a... Le président de l'Afrique qui a... Il y a le président de l'Afrique qui est venu, oui. Il est venu tout seul. Est-ce que du coup là c'est bon, on a ouais, sur c'est cette bon. Pour moi on a dit tous un peu notre temps, ouais. C'est cool. Ouais. Est-ce qu'on peut se faire un petit point commentaire, un petit point commentaire s'il te plaît, Kawan? Ouais, carrément. Ah, un petit point commentaire, oui. Ouais. Pendant que attends, je fais un appel. Mais Charlotte, elle a... Oui, ouais, j'ai déjà dit, mais j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que on peut aussi du coup on peut appeler un comme on est en duplex. Ouais. Du coup, on peut appeler les autres gens à pouvoir venir pour la prochaine heure qui est leur fille, oui. Il me semble. Oh là là. Raphaël, fais toi qui as les clés filles, de. Mais alors les commentaires. Enfin, entre girls. Est-ce que les gens ont parlé de la COP21 dans les commentaires? Nous, on s'en va. Est-ce qu'ils ont dit des trucs? Alors, restez là le temps que je lise les commentaires. Alors, j'ai repéré 2-3 trucs. Attendez, je me mets au moment. Bon, il y a des petits claques sur Lina parce qu'à un moment elle a dit le nom de quelqu'un, mais ou donc Stéphanie. Ah bon, tu dis le nom de quelqu'un? Stéphanie, oui, je crois que c'est même le nom de Victor. Dit, non, j'ai pas dit le nom de Victor. Bon, c'est pas grave. Bon. Ah, voilà. Pas moi. Ah, oh. Stéphanie nous dit heureusement que c'est la nuit anonyme. Bonjour Lina. Il y a Marc Guéry qui nous dit manif place de la République, cool. Point de suspension. Bien sûr, il y a le pauvre Mathias qui est revenu quelques fois. Il y a un Mathias je t'aime qui a été lancé par Nicolas Lorenzi. Marc Guéry a surenchéré en disant il est le Christ cosmique qui nous libérera des homo reptiliens. Ah, pas mal. Vous voyez, j'ai une j'ai peut-être une fan... qui c'est une fan team. Écoute, j'ai une fan base moi. Ah. Yes. Charlotte. Yes. Hein? Non, Marc, non, Marc Guéry surenchérit en disant barbecue au White Spirit. Ah yes. Ah, non. Yes. Il y a eu le celui qui nous a fait beaucoup rire donc de Madame Mathias qui a dit et les bouteilles de bière tri sélectif ou pas. Madame Mathias c'est ma Maman mère Mathias. Pas ma copine. Ouais, ouais. Tiens à préciser. Y a pas d'amalgame, faut pas faire d'amalgame. Hein. Il y a Nicolas Lorenzi qui demande s'il fait beau à Bordeaux. Alors on ne sait pas parce qu'on est on n'est pas à Bordeaux. On est à Lille les gars donc non. Non mais fallait pas spoiler. Ça va. On n'est pas à Lille en plus. Ouais, on n'est pas à Lille, ouais, on est à côté. Mais on est et là. On dit tous salut à Grouillard Ryan. Ah, bonjour Grouillard Ryan. Ryan. Si, salut Ryan. Ryan. Salut Ryan. C'est qui Ryan? C'est qui? C'est le stagiaire. C'était notre petit stagiaire. Ah, énorme. Salut. Le stagiaire, salut. Oui, il est venu, je me souviens. Et voilà, est-ce que... Alors voilà, alors suite du programme, ça va être... Ça va être leur fille. Ah. Donc tous les garçons vont s'en aller. Tous les garçons vont s'en aller et les filles vont prendre le mic pendant une heure. Moi j'arrive les copines. Comme ça. Est-ce qu'il va avoir abat le népotisme masculin. Vive la puissance des femmes. C'est cool. On va pouvoir parler manucure et coupe de cheveux. Bah, ça va être. Est-ce que vous allez faire des blagues sur les blondes aussi ou pas?